Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, le marché, c'est un contrôleur de Nexo. In R.I.G. 90.7. Le chercher plus, c'est 90.7. Tous, comprenez-moi bien, habituellement je suis content de vous savoir derrière le poste, mais là ce soir je suis encore plus que content de vous savoir derrière le poste parce que ce soir c'est les 50 ans d'Abbey Road. On ne va écouter que le coffret Abbey Road du début à la fin. Pendant 2 heures, ça va être proprement génial. Voilà comment je vous propose. Trois parties. La première, on va mettre côte à côte la chanson version travail, par exemple Come Together, la cinquième prise, et la chanson version finale, le remix 2019, Come Together. Oui, ok. Ça, c'est pour le début, et ça se fera sur jusqu'à Here Comes the Sun. À partir de là, un petit peu plus loin. Je vous proposerai également le fameux Long One, qui est le medley Abbey Road, mais différemment. D'abord, des prises sont différentes. Et puis, le 1 Majesty, qui est à la fin, après quelques secondes de blanc, n'est pas au même endroit. Il est derrière Golden Slumber, si je me souviens bien. Non, derrière She Came In Through The Bathroom Window ou Pauline Pam. Bref, vous entendrez ça. C'est très, très intéressant. Histoire de changer un petit peu. Entre les deux, on écoutera trois... On va pas vraiment dire inédit, des démos. Il y aura Goodbye, il y aura All Brown Shoe et Come and Get It. Voilà. Et puis, à la fin, il y aura aussi The Ballad of John and Yoko. Et à la fin, évidemment, Golden Slumbers jusqu'à Her Majesty. Ouh, ça va être génial. Ça va être génial. Je sais pas si on sera là. Donc, merci déjà d'avance, Eric, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, ça va bien se passer. Retrouvez-nous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et écoutez cette émission. Dites à vos invités, on mangera plus tard. Ou alors, si vous mangez, on écoute la saga des Fab Four. Dites au téléphone, dites non, je suis occupé, j'ai pas le temps. Ce sera pour plus tard. Bref, vous êtes présents sur 90.7. Vous êtes là sur www.rigfm.fr. Et ça va être extraordinaire, je vous le dis. On commence par des doublettes, donc Come Together deux fois, la version travail, la version finale, Something, la même chose, la démo, la version finale, et on se retrouve. Vous êtes prêts? La saga des Fab Four spéciale Abbey Road, ça commence maintenant. Stop. He shut his eyes and came out on Where No Shoot Balls. Don't worry if you don't get the vocal, just keep on. Okay, sorry. Yes. I get very involved, you know. One, two, three, four. Spinal cracker, he's got Maurice Duckers. Early morning. Yes. A man like him would have it. He's got teenage lyrics, he's got Hot Rod Baldy. Oh, I'm losing my cool. Ça, c'était John Lennon et ses collègues. Sur la prise numéro 5, voici la version définitive et la version remix 2019. Des petits trucs en plus. Et la différence qu'il y a par exemple avec la version de travail, c'est qu'il dit plus shoot me, mais shoot. Voici Something, version studio. Are you going? Oh. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Something in her smile, she knows that I don't need no other lover. Shows me I don't want to leave now. You know I believe in how. You're asking me where my love grows. I don't know. I don't know. Et maintenant, la version finale, forcément, de Something, le remix 2019. ce soir dans la saga des Fab Four, on écoute quasiment l'intégralité du coffret Abbey Road, sorti il y a quelques jours. Voici, après Come Together Something, Maxwell Silverhammer et la prise numéro 12, avant d'écouter la version finale. Tell you what, do more sort of, dum-dum-ba-da-ba-da-bum in a bit. Yeah, it's just something a bit more, because it does sound a bit dead when you hear it, just does an intro. Yeah, okay. Do that one. Studied by the physical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? Getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell Silverhammer came down upon her head. Do, do, do, do, do. Bang, bang, Maxwell Silverhammer made sure that she was dead. Again, Maxwell plays the fool again. Teacher gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind, writing 50 times, I must not be so, But as she turns her back on the boy, he runs up from behind. Bang, bang, Maxwell Silverhammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell Silverhammer made sure that she was dead. Mounting testimonial pictures. Oh, oh, oh. Valerie, gallery, free. Agree, and he tells him so. Oh, oh, oh. But as his words are leaving his lips, a noise comes from the back. Bang, bang, Maxwell Silverhammer came down upon his head. Bang, bang, Maxwell Silverhammer made sure that he was dead. One more. It was good, you know, it had nice bits in it. But it'd be nice to have the nice bits and the other bits. And the bad bits. And the bad bits, yeah. George Harrison is resting his arm. Let it be known unto the people. Kick out the jams, take eight. Brothers and sisters! Joan was

swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. To do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Attention, on attaque dans le bois dur. Voici la chanson I Want You, She's So Heavy. La version qui a été enregistrée au studio Trident d'abord. Ensuite, il y aura la version finale. Case of half of one and two on the other. What's it a case of, Mr. Martin? Take four was very good up to the breakdown. Which was take four? And that was very good up to the very end bit there when Paul did his little bit that wasn't quite right. My boys are ready to go. John? Yes? Yeah, I don't think it's him. I think it's... What? Okay. Is it possible without affecting yourselves too much to turn down a little? Apparently there's been a complaint. From who? Somebody outside the building. What are they doing here at this time of night? Oh, that guy. What guy? He's going to the walls. His own fault to get there. The house in such a lousy district. Right. Well, we'll try it once more, very loud. Right. And then if we don't get it, we'll try it quiet like it might do it the other way. Okay. The loud one, last go. Last chance to be loud. Who says? Can't quite see through these now. I just can't quite see them, they keep merging. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, want you so bad, it's driving me mad. paroles de I Want You, dans lesquelles John répète le titre de la chanson « Je te veux » et annonce que ce désir le rend fou, furent lues sur le plateau du programme télévisé 24 Hours, un magazine d'information de la BBC pour illustrer les banalités de la musique pop. Cela rendit John furieux parce qu'il était convaincu que la simplicité même de cette chanson en faisait une composition supérieure à Eleanor Rigby ou à I'm the Walrus. Je suis pas d'accord, mais bon. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une régression, mais d'une économie de langage. Là, ok. I Want You est une chanson d'amour pour Yoko, on l'aurait deviné, dont il admit l'influence sur son nouveau style de composition, disant qu'il espérait un jour pouvoir composer une chanson parfaite utilisant un seul mot. Rassure-toi, John, depuis, ça a été fait. Et là, la dernière phrase, je suis obligé de lire et ça me fait mal. Un poème de Yoko, écrit en 1964, se composait d'un seul mot. Oh, E-A-U. Je suis obligé d'essayer de faire plus long parce que quand on prétend que c'est un poème avec un seul mot et que c'est de l'art, j'ai du mal. Voici la même chanson. On a parti pour 6 ou 7 minutes, 7 minutes 47 de bonheur, parce que cette chanson est vraiment très très bonne. I Want You, She's So Heavy. On décortique l'album Le Coffret Abbey Road 2019 ce soir sur RIG. Won't you so bad? Philippe sur Facebook. Marc, il est vrai que c'est intéressant, ça nous change. Mais force est de constater que les versions de chaque chanson sortie sur l'album officiel de l'époque sont les plus abouties et judicieusement choisies, et à juste raison. Ce qui n'empêche en rien le plaisir des alternatives et autres versions. C'est vrai que c'est absolument très très intéressant de les écouter comme ça, c'est ce que j'appelle la version de travail, puis la version finale. Et pourquoi c'est la version finale? Parce qu'ils ont mis le maximum dedans, mais ça n'empêche que ça peut être très très intéressant. On retourne la face, puisqu'on a fait la face A. Voici Here Comes the Sun, version travail, la prise numéro 9, puis la version finale, mais on laissera parcourir, il y aura You Never Give Me Your Money, Sun King, etc., dans des prises différentes, comme si on écoutait le medley, la face B. Là, je n'interviendrai pas, mais vous allez voir, c'est très, très, très intéressant comme ça aussi. D'abord, la version travail de Here Comes the Sun. Sun, doo doo doo. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. But here comes the sun. Comes the sun, and I say, hey, it's all right. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it feels like years since it's been here. But here comes the sun, doo doo doo doo. Here comes the sun, and I say it's all right. Le remix 2019 de Here Comes the Sun sur RIG. It's been accrochez-vous à vos écouteurs parce que maintenant, ça devient vraiment absolument fantastique. J'aurais pu vous proposer la version instrumentale de Because, mais vous m'auriez dit, et les voix, ça nous manque. Alors je vais vous proposer la version remix 2019 de Because, mais tout le reste va être des versions différentes. Vous allez avoir You Never Give Me Your Money, la prise 36, Sun King, la prise 20, Mean Mr. Mustard, la prise 20, Police in Pam, la 27, She Came In Through the Bathroom Window, la 27 aussi, puis le medley Golden Slumbers Carry That Weight, la prise 1 et la 3 en medley. Il y aura The End, la prise 3, et Her Majesty, la prise 1 et 3. Et on reparle juste après. Bonne continuation. C'est RIG 90.7 et c'est un spécial, la saga des Fab Four consacrée à Abbey Road 2019. Okay, come on now, here it is, boys, here it is. Come on, boys. Leslie, off, please. It's exactly 2:30 and it's 36, and here we go. 36. You just got nowhere to go. Any job I got to sack, Monday morning turning back, yellow lorry slow, nowhere to go. But oh, that magic feeling, nowhere to go. Feeling, oh, nowhere to go, nowhere to go. We've got all those families to look after, you know. A lot of people to keep. Okay. Fab gear. Some earphones. George is getting silly, George. Sir, George is getting silly. Can't find them. Dun dun da da da da da da da da da. Oh yeah, da da da da. Two. Okay. One, two, three, four. Thank you. dog. Saving up to buy some clothes, yes he is. He keeps a 10-bob note up his nose, yes he does. He's such a mean old man, yes he is. He's such a mean old man, yes he is. His sister Shelley works in the shop. She never stops, she's a go-getter. She slaved enough to look at the queen. God save the queen. Only place that he's ever been. God save the queen. He always shouts out something unseen. He's such a dirty old man. Dirty old man. His sister Bernice works in the furnace. If you don't do so much to start off with, because you blow it all, you know what I mean? You give away all your best bits. What are you doing at the beginning? Who? Down, down, down. Down, down, down. Okay. It sounds like Dave Clark. It's like being Tommy in here. One, two, three, four. Avec des prises différentes.

side, where the sound of lonely drums invites me on. I must be by sign. Smile replacing every thoughtless frown. Got me escaping from this zoo. Baby, I'm in love with you. So glad you came here. Won't be the same, I'm telling you. If I grow up, I'll be a singer. Wearing rings on every finger. Not worrying what they or you say. I live a lover, maybe someday. Who knows, baby, you may comfort me. Imperfect, but my love is something you can't reject. Changing faster than the weather. If you and me should get together, who knows, baby, you may comfort me. That love of yours, miss, that love is something I take. Take an early start, making sure that I'm not late. Top lip, I'm in the queue. Baby, I'm in love with you. So glad you came here. Won't be the same, I'm telling you. Well, I'm so glad you came here. Won't be the same now when I'm with you. Et ça, c'était la prise 2. Hein? Donc, deuxième fois qu'il faisait la chanson, déjà tout est en place. Mouth. Un string avec un put mouth. Ok. It got a bit faster, Ringo. Ok, George. Ok. Dockets of Hampton, trying to get to Holland or France. The man in the Mac says, you've got to go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Finally made the plane into Paris, honeymooning down by the Seine. Peter Brown called and said, you can make it okay. You can get married in Gibraltar in Spain. Christ, you know it ain't easy.

après ce... Okay, give us it on headphones and I'll track it. Ok, merci. Après ce petit intermède, voici The Long One, le medley refait sur Abbey Road avec Her Majesty placé là où il pensait le mettre au début. Et là, je n'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai mis l'ordre dans les chansons, c'est comme ça. Ça dure 16 minutes 19. C'est parti sur RIG 90.7. Thank you.

faute si on n'entend pas And in the end, the love you take is equal to the love you make. Ça n'est pas sur le The Long One. Je demande un peu d'indulgence à Eric parce que on ne peut pas terminer sans écouter la version remix 2019 de ce court medley. Donc, et un petit peu de rap, Eric, s'il te plaît. Il me fait signe de la tête. Merci, Eric. Sleep pretty darling. sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Merci Eric de m'avoir laissé déborder autant, c'est la première fois je crois. Merci à toutes et à tous et à très très bientôt. J'ai adoré cette saga spéciale Abbey Road 2019. À bientôt, ciao. Quelques secondes évidemment, Eric et son fantastique Johnny de A à Z.